Exercice 13, page 49. Ton père est heureux. Karine ouvre les yeux. Elle a une semaine pour déménager, emménager, organiser au mieux son nouvel espace et...